Bonsoir, bienvenue à mon sixième podcast. Alors, ce soir, je planifie un podcast assez court. Je vais vous parler brièvement de mon voyage à Londres et de qu'est-ce qui s'en vient d'ici à mon retour. Donc c'est ça en fait. Je suis parti pour Londres. Je vous explique un peu le contexte dans lequel ça s'est fait. En fait, l'histoire complète, c'est que quand je suis arrivé à Rotterdam, là, autour du 4 avril, j'ai une de mes amies, Sophie, qui est la direct, ben, une des organisatrices, ou en tout cas, je sais pas si c'est la directrice. Du festival artivistique auquel j'ai déjà participé avec le collectif Drone, puis également à titre personnel il y a 2 ans. Ce festival-là va se dérouler cette année vers le mois d'octobre. Donc c'est ça, Sophie, je l'avais croisée auparavant, quelques fois au studio XX, bon, un peu dans le réseau, mais je la connaissais pas super bien. Et donc, quand je suis arrivé à Rotterdam, c'est ça, elle m'a reconnu dans la rue. Elle était à Rotterdam à ce moment-là, puis elle m'a écrit un email: Hey, Tats, est-ce que c'est toi que j'ai vu dans la rue, tout ça? » Je dis: Ouais, j'étais à Rotterdam. On a essayé de se voir, mais elle n'était pas là pour très longtemps, puis elle logeait à Amsterdam. Donc finalement, on s'est raté. Mais quand elle est partie, en fait, elle m'a dit qu'elle était là pour l'été encore à Londres. Puis elle m'a invité. Donc j'avais gardé un peu ça en tête. Je voulais faire quelque chose là, possiblement après mon vernissage. Puis ben ça. Je veux dire, après le vernissage, j'ai fait: Bon, allez, hop, j'écris à Sophie, elle m'a invité. Je la connais pas bien, mais je vais y aller, puis on va voir. Puis finalement, en fait, ça s'est super bien passé, on s'est super bien entendu, elle et moi. Fait que ça a été vraiment le fun, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui est vraiment, vraiment cool. Puis. Donc c'est ça, j'ai crèché chez elle sur son sofa avec parmi ses très charmants colocs. Bon, Londres. Donc Londres, que dire de Londres? Les chars roulent à gauche. Je dirais que le truc qui m'a frappé le plus, en fait, c'est que c'est évidemment l'espèce de société de surveillance, en fait. Parce qu'à Londres, certains d'entre vous doivent déjà le savoir, la ville, en fait, est remplie de caméras de sécurité. Donc ça, je savais déjà. J'avais entendu également parler. Il y a des espèces de postes avec des haut-parleurs et des caméras de sécurité. Quand vous faites preuve d'incivisme, il y a des gens qui vous surveillent 24 heures sur 24 et qui parlent par les haut-parleurs. Donc, par exemple, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple, de rouler en vélo sur la chaussée. Donc là, on vous dit comme ça live: Hey, attention, on descend de la chaussée. Ou on vous dit, ben, je sais pas, si tu pisses sur un mur ou si tu craches à terre. Ou... Il y a des gens qui sont là pour vous surveiller. Puis, mais en fait, ça va vraiment au-delà de ça. C'est assez inquiétant. Il y a des annonces partout de trucs du genre. Par exemple, dans le métro, c'est écrit partout des trucs du genre: ne donnez pas d'argent aux mendiants, c'est illégal de mendier. Des trucs comme: si vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose de suspect, contactez immédiatement les autorités. Vous voyez, des trucs comme ça. Encore pire, ce que j'ai vu, c'est une annonce là que d'ailleurs à plusieurs endroits. En fait, c'est ils proposent à des gens qui sont volontaires comme ça de travailler à peu près un minimum de 16 heures par mois pour la police. L'annonce se présente comme étant quelque chose de genre Special Operations for Special People. Et essentiellement, c'est comme finalement, c'est du, je sais pas comment, ben c'est des forces parapolicières. Donc, si par exemple vous là, vous savez pas trop quoi faire de vos soirées, ben vous pouvez contacter la police de Londres et ils vont vous donner un uniforme, un bâton, tout ce qu'il faut. Vous êtes pas, on va vous donner une courte formation également et vous allez donc travailler pour la police de façon généralement donc undercover. Et donc, il y a toute cette espèce d'appel-là qui est très, très orwellien là, à ce que les gens dénoncent leurs voisins. Puis, il y a vraiment un sentiment, en tout cas, que moi j'ai senti de. En fait, on se sent vraiment surveillé, finalement. Puis, des fois, t'as comme. Souvent, en fait, surtout comme touriste, c'est pas toujours les règles, tu sais. De la place, fait que c'est toujours en train de te demander bon, est-ce que c'est correct ce que je fais? Puis bon, il y a des gens qui te surveillent en permanence là. Fait que puis tu sais, partout c'est écrit, bon, sur les clôtures c'est écrit pas le droit de parquer son bicycle ici. C'est vraiment l'exacerbation du culte du civisme et de la propriété privée. En tout cas, ça c'est la partie moins le fun. Pour ce qui est de la partie le fun, ben je dirais que le truc qui m'a frappé le plus, c'est la culture des jardins, en fait. En fait, la culture des plantes, des toutes sortes de catégories, de sortes d'arbres et de fleurs et de fougères, d'arbustes de toutes sortes. Londres, c'est hyper vert, en fait. C'est luxuriant, quoi. C'est comme. Puis, c'est ça, c'est vraiment une catégorie impressionnante d'arbres. Puis, c'est ça. Sinon, ben, je me suis promené un peu partout. J'ai fait plein de trucs, là. J'ai visité le Tate Modern, j'ai visité des expos, je suis allé dans un party sur un bateau sur la Tamise. Puis c'est ça. Donc j'ai également réussi à manquer mon avion, mon billet de mon avion de retour. Ça c'est l'autre truc hein, à Londres, les transports en commun, c'est une très grande ville, alors c'est plus long des fois que ce qu'on pense hein. Fait que moi j'ai vraiment j'arrivais j'ai pas en fait mon vol était pas encore décollé, mais il était beaucoup trop tard pour s'enregistrer. Donc j'ai dû passer malheureusement quelques journées de plus à Londres. J'étais censé retourner mardi et je suis revenu samedi matin. Mais finalement, ces journées-là de plus m'ont vraiment permis de complètement décrocher. Puis c'était assez agréable, en fait, ben, c'était un peu spécial. En fait, je suis revenu à Rotterdam un peu comme si je revenais chez moi. Mais évidemment, c'était pas mon chez moi tout à fait. Mais en fait, ça m'a comme un petit peu conforté, ou je sais pas, quand je suis revenu dans ma chambre à Rotterdam, je suis allé m'étendre sur mon lit, puis j'ai regardé autour, puis j'étais comme ah, c'est cool, je me sentais vraiment chez moi. Donc ça fait du bien, en fait, quand je vais revenir à Montréal, je vais faire ah, c'est chez moi, je vais être encore plus perdu. Bon. Maintenant, les vacances sont finies. Pour moi, je reprends donc le travail. Ce qui s'en vient, c'est la première chose que je dois faire, c'est la documentation de mon travail ici. Puis je dois rencontrer des gens aussi pour étudier pour d'autres opportunités, pour présenter ce travail-là. Puis enfin, ben je poursuis mon projet, donc mon autre projet, projet avec le Pietzwart Institute. Vous savez que j'ai une résidence ici, j'expose, mais également je suis un cours à l'université, un workshop au cours duquel on travaille avec des. On a un projet qui consiste à faire des objets électroniques. Donc, d'ailleurs, vous pouvez suivre tout ça sur mon site web, sur mon blog. Puis, je vais terminer en vous souhaitant une super semaine. Je pense que je risque de faire probablement un dernier podcast après celui-là. Puis ensuite, vous pourrez avoir la suite à mon retour le 30 juin. Donc, je vous embrasse, je vous salue et à bientôt.